On est de retour ce matin au bulletin de sport local et régional. On sait que la semaine passée, il y a eu des entrevues, mais la programmation régulière recommence aujourd'hui après une période de vacances. Et il y avait plusieurs activités. Malheureusement, on n'a pas tous les résultats. On n'a pas été en mesure de rejoindre les principaux intervenants pour en savoir davantage. Quoi qu'il en soit, ça va se faire tout au long de la semaine. Mais la nouvelle de la fin de semaine, hein, c'est Marianne Saint-Gelais qui a dû renoncer aux qualifications canadiennes de patinage de vitesse sur courte piste en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang. Marianne qui a subi une commotion cérébrale lors d'une chute qui s'est déroulée vendredi. Maintenant, pour espérer participer aux Jeux olympiques, Marianne Saint-Gelais devra se remettre au choix discrétionnaire de l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste, ce qui devrait normalement se faire puisque Marianne a été la meilleure patineuse des dernières années pour l'équipe canadienne. Parlons maintenant de l'autre patineuse de vitesse, Cassandra Bradette. Ben, ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris le troisième rang lors de la compétition du 1500 mètres. Cassandra qui a négocié un parcours de 2 minutes 43 secondes et 462 centièmes. Au soccer, on a un résultat à vous communiquer. Gain du AC Milan de Saint-Ambroise 2-1 sur le FC Saint-Félicien. On parle évidemment du soccer en division 1. Et maintenant, la période d'inscription pour le hockey mineur de Dolbeau-Mistassini va se faire le 17 et le 18 août prochain dans les arénas du secteur de Dolbeau et de Normandin. Donc, au cours de la semaine, il devrait y avoir plus de détails afin de connaître les heures qui vont se faire pendant ces inscriptions. Et puisqu'il est question de hockey mineur de Saint-Félicien, ben, ça a très très bien été pour la vente de billets pour le match du 25 août à Dolbeau-Mistassini opposant les Saguenay de Chicoutimi au Rempart de Québec. En 4 heures, les organisateurs ont réussi à vendre les 1000 billets. Le sport local et régional, à dans le radiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.